modifier, que ton règne devienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh oui, que ton règne vienne. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur.